Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonna Bolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une drogue. Cette semaine, le salariat n'est pas mort, il bouge encore. Une série documentaire de Rémi Douat et Martine Abbat, réalisée par Assia Khalid. Au départ de cette série, il y a comme un doute, la sensation désagréable qu'on veut nous faire croire quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait vrai. Alors forcément, il y a l'envie d'aller voir de plus près pour se faire une idée, comprendre ce qui fait qu'on aime ou pas son boulot, qu'on trouve un sens ou pas à son taf, qu'on soit sous pression au turbin et qu'on souffre quand on est chômeur. Bref, garder un œil sur le loup qui gîte au détour du travail et sur la taille de la pilule qu'il nous reste à avaler. Alors pour commencer, les personnages. Une députée qui ne jure que par la modernité, un ouvrier qui a monté des milliers de voitures, un médecin du travail qui transforme les statistiques en histoires vraies, des journalistes précaires qui écrivent sur le travail, un chercheur en intelligence artificielle et des salariés contrariés, mais certainement pas fous. Ensuite, le décor. Le burn-out, le travail vidé de sa signification, des gestes répétés, le rêve d'une épicerie avec vue sur la montagne, la pression de la performance, des fermes à clics, des boulots de merde et des pas dans la neige fraîche. Aujourd'hui, 3e épisode, on est en France face à un médecin. Le salariat, c'est 93% de la population active aujourd'hui. La bataille entre indépendants et salariés, elle sera gagnée par le salariat. Le coût du salaire dans des pays hors de France ou hors d'Europe est très inférieur au coût du salaire en France. Moi, je prends des exemples qui me sont propres. En gros, ça me coûte au moins 3 fois moins cher qu'en France. Le mot lean management est interdit, comme à la Poste d'ailleurs, il est utilisé, mais ça s'appelle élan. Voilà, ils ont inversé les lettres. Mais il s'agit de la même chose, il s'agit de mettre en place le lean management qui consiste à travailler avec des bouts de ficelle en fait, hein, et prétendre que les employés ont leur mot à dire. Je vais bientôt avoir 50 ans, je me suis posé la question de savoir est-ce que je me voyais finir ma carrière dans un poste qui est extrêmement stressant, puisque aujourd'hui nos usines fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et la réponse a été non. J'ai besoin de rechercher quelque chose de plus équilibré entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Demain, vous serez le matin salarié, l'après-midi, vous aurez votre boîte en auto-entrepreneur, en entreprise unipersonnelle, vous ferez de la prestation. Bref, vous travaillerez de plusieurs façons en même temps. Si tout le monde devient auto-entrepreneur, il va y avoir de moins en moins de cotisations pour le bien public et donc on met la société en danger. C'est une patiente qui m'avait dit avec des larmes dans les yeux, j'étais allée au tribunal pour prouver que le travail m'avait rendu dingue, j'ai juste réussi à prouver que j'étais dingue. Si vous vous êtes enferré dans les certificats qui disent que vous êtes définitivement dingue et que donc on vous doit une indemnisation, il est très difficile de sortir de cette position. Le salariat n'est pas mort, il bouge encore. Aujourd'hui, du sens au travail. Rémi Douat, Martine Abbat, Assia Khalid. Voilà, donc là on arrive. Donc là c'est le village. On va essayer de. Alors il est où le magasin ? Il est là. Que vous allez avoir du magasin. Ah ouais, je comprends. Et oui, il y a... Ah, c'est tout dégagé devant sur les montagnes. Donc c'est là. C'est là. Le magasin et la maison au-dessus. Ouais. Vous voyez là sur les pentes là de ce côté-ci, au printemps, il y a les marmottes qui ressortent. Bonjour. Désolé, on est en train de manger. Vous êtes oui. 14h, oui, non mais il n'y a pas de problème. On a voulu prendre un peu d'avance. D'accord. Parce que en fonction de la route, surtout que moi j'ai pas de neige, donc. D'accord. Hier, c'était comment ? Ah, c'était l'apocalypse. Bonjour. Bonjour. Hier, c'était la burle. Ouais. C'est quoi la mur là? C'est le vent. C'est le vent d'ici. C'est le vent et la neige en même temps. En fait, c'est la neige, mais qui tombe horizontalement. C'est très beau quand même là, la vue que vous avez. Et on est pas mal. Ouais, on est pas mal. Ça va. Puis alors là, un silence avec la neige, le top. Ça donne encore plus envie. C'est un magasin qui donne envie. Normalement, on ferme à 19h30. Et puis des fois, il y a les amis qui viennent et puis on reste jusqu'à ce port. Là. En fait, en dessous de la mat de neige que vous avez là, vous avez des chaises et une table. Et en fait, en été, le soir, on laisse ça ouvert à 19h30. On est dehors à boire une bière avec les copains qui viennent. Donc, c'est super sympa. Avec les copains, les gens qui passent, voilà. C'est très sympa. Ouais, et sachant que les marmottes, généralement, s'amusent vers 17h, donc on les entend siffler, c'est très chouette. Pourquoi vous partez, alors? La famille. Pour la forêt. Ouais. Pour retrouver la famille, ouais. Voilà. Et où, la famille? Sur Nantes. Mais vous allez faire quoi, à Nantes? Bonne question. Non, déjà, on va retourner employé. Et vous allez supporter de redevenir salarié? Ça, on ne sait pas trop comment on va On ne sait pas, ouais. Visiter des commerces dans le cadre d'une reprise d'un commerce de village. Gilles Ranou. L'objectif étant de changer de vie et de passer d'une vie dans l'industrie automobile, vers une vie de commerçant dans un petit village. Je suis à la recherche d'une épicerie de village qui permet de créer du lien, qui permet de proposer aux gens un lieu de rencontre. Qu'est-ce que vous faisiez dans l'industrie exactement? Dans l'industrie, j'étais responsable logistique chez PSA Peugeot Citroën. Donc je m'occupais de plusieurs secteurs. Premier secteur qui est l'approvisionnement des pièces. Deuxième secteur qui est la livraison de ces pièces, la réception et la livraison des pièces jusqu'au bord de chaîne. Et puis une partie programmation du temps d'ouverture des usines, du nombre de voitures fabriquées par jour. C'était un poste de direction au sein du site. Oui. Et donc, je vais bientôt avoir 50 ans. Je me suis posé la question de savoir est-ce que je me voyais finir ma carrière dans un poste de ce type-là. Un poste qui est extrêmement stressant, hein, puisque aujourd'hui, nos usines fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, on peut être appelé tout le temps, hein, tous les jours, de jour, nuit, week-end. Je me suis posé la question, est-ce que je me voyais finir ma carrière dans ce type de poste? Et la réponse a été non. J'ai besoin de me recentrer sur moi et puis de rechercher quelque chose de plus équilibré entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Mais qu'est-ce qui était trop? Ce qui était trop, c'est globalement le stress qu'on a aujourd'hui sur ce type de poste. Hein. Il faut effectivement, les enjeux sont très importants, hein, l'arrêt d'une ligne de production et ce chiffre très vite, en milliers d'euros. Et donc, il faut être tout le temps réactif et sur la brèche et réactif. À côté de ça, diminuer de plus en plus les stocks et avoir donc des flux de plus en plus tendus, avec des risques, bien évidemment, qui vont croissant en fonction de la tension de ces flux. C'est-à-dire les risques qu'il n'y ait plus de pièces? Ah ben les risques d'arrêter la ligne, effectivement. Il faut être capable et de prendre des décisions rapidement, et dans un deuxième partie, continuer à faire progresser la logistique de l'usine par l'amélioration permanente, par tous ces outils qui sont à notre disposition. On est en compétition avec des pays qui ont des coûts de production bien plus bas que les nôtres. Et donc si on veut réussir à maintenir nos usines en Europe, et en France en particulier, il faut qu'on arrive à améliorer nos modes de fonctionnement et notre performance. On n'a pas d'autre choix. Et ça, c'était votre rôle en partie? Et ça, ça faisait partie de mon rôle, bien sûr. Définir avec les équipes quels sont les modes de fonctionnement qui vont nous permettre d'améliorer cette productivité. Tous les jours, on vous fixe un objectif. L'objectif, il est atteint, ou voire le délai n'est toujours pas passé, qu'on vous a déjà fixé un autre objectif plus ambitieux. Et donc, on est toujours en course perpétuelle. Et ça, c'est effectivement extrêmement fatigant. Et il arrive un moment où, moi, effectivement, je ne me sens plus en phase avec cette demande de continuer à progresser aussi vite. Il y a des gens, effectivement, qui sont... c'est dans leur gène, je dirais. Et puis il y en a d'autres à qui ça ne convient pas. Moi, j'ai toujours plutôt travaillé pour le bien-être ou pour le bienfait de la cause, mais jamais pour être le premier. Ça n'a jamais été dans mon objectif d'être le premier dans une compétition. Et ça, aujourd'hui, dans l'industrie, c'est presque un trait de caractère qu'il faut avoir pour réussir. Être un battant et être le premier du paquet. Ça veut dire que vous, on vous fixe des objectifs, ça implique aussi beaucoup d'autres gens, et que cette compétition que vous-même, après, vous imposez aux autres, à un moment, ça vous met en porte-à-faux. Ah ben bien sûr, de toute façon, l'objectif, il est pas que pour une personne, il se démultiplie à tous les niveaux de l'entreprise, un degré plus ou moins fort. Déjà, mon niveau de responsabilité, sous moi, il y avait au moins deux autres niveaux qui étaient impactés par mon objectif propre, directement. J'irai directement, sans même parler des opérateurs, l'impact sur les opérateurs. Et donc, effectivement, l'objectif, il va se décliner sur des gens. Et parfois, on est amené à fixer des objectifs pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble, sur lequel on est nous-mêmes, on n'y croit pas. Tellement c'est trop. Tellement c'est trop, on n'y croit pas, parce que, par moment, l'objectif doit être fait en étant ambitieux, mais aussi quand même réaliste. Donc, il arrive un moment où on arrive à des limites, où on n'arrive plus à comprendre comment sont calculés ces objectifs. Et donc on n'y adhère plus et on a du mal à faire adhérer aussi les équipes à ces objectifs. Moi, en 10 ans de chaîne, j'ai fait par exemple 350 000 voitures. Et je me dis que 350 000 voitures dans le monde roulent et c'est moi qui a travaillé dessus, qui a monté, que ce soit le capot, soudé la porte, mis le haillon. Voilà, ça c'est le truc impressionnant. Les chiffres sont gigantesques. Tu dis, on a fait 5000 pièces ou des trucs de dingue. Rangées, placées, notées. Ça, c'est un truc qui peut te tuer, par exemple. Autant que tu te fatigues au travail. Et alors, on se dit, voilà, il faut mentalement tenir et peut-être habituer le corps. Et c'est vrai, c'est un truc que l'homme, il s'adapte à n'importe quoi quand il est condamné. C'est un truc étonnant. Hein. Ça, j'ai remarqué que moi, je vais prendre comme ça et personne ne prend, par exemple, comme moi. Le longeron, par exemple, tu vas soulever comme ça et faire ça. Mais moi, je fais comme une crêpe. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Et ça fait un truc automatique. Et oui, quelle technique. Et après, quand quelqu'un d'autre le fait, on voit que non. On se dit, pourquoi celui-là ne prend pas comme moi? Donc non, je n'ai rien à inventer. J'invente juste la prise. Mais après, tout le reste, on est obligé de faire comme c'est écrit. Là, on ne peut pas changer. Là, c'est logique. Est-ce qu'on peut être heureux dans ce type de grosse structure, au travail, heureux au travail? Je pense qu'on peut être heureux parce qu'il y a plein de satisfactions. C'est ça qui est difficile, d'ailleurs, pour prendre la décision. C'est que on a l'impression d'avoir sauvé le monde presque tous les jours et ressentir une certaine valorisation. Puis aussi, le titre est assez valorisant. C'était quoi votre titre? Alors, directeur logistique d'usine automobile. Ça peut être aussi valorisant, ces titres-là. Et d'ailleurs, vous l'avez vécu comme ça pendant plusieurs années? Bien sûr. J'étais à un poste que jamais, initialement, j'aurais pu imaginer atteindre lorsque je suis sorti de mes études. Ces postes étaient réservés à des ingénieurs, donc dans une grosse entreprise, je ne pensais pas être capable de progresser comme ça. C'est valorisant, bien évident que c'est valorisant. Après, il n'y a pas que ça dans la vie. À partir de quand vous vous êtes dit que ça suffisait? J'ai commencé à y penser il y a 2 ans à peu près. Et j'ai pris la décision en mai 2016. Quoi. Aujourd'hui, ce que je cherche, c'est à reprendre un rythme qui permet de pas être obligé de prendre des décisions rapidement, de pouvoir en parler, de pouvoir mesurer les impacts, mesurer etc. Et donc pour ça, ralentir le rythme de vie et y compris d'ailleurs dans l'achat, dans tout ce qui est matériel. Oui, parce que là, si vous reprenez une petite supérette, vous allez beaucoup diminuer en salaire. Ben, oui, je dis. C'est quoi le salaire moyen d'un propriétaire comme ça d'une épicerie? C'est entre 1000 euros, 1500 euros à peu près par mois. Et vous gagnez combien avant? Et avant, j'étais à 6000 euros net. Donc oui, effectivement, on divise... Ça vous fait pas peur ? On divise par 4. Non, puisque j'ai pas de besoin à ce niveau de salaire. Aujourd'hui, je dépense pas tout ce que j'ai et je vois pas pourquoi j'irais faire des acheter plus. Alors déjà, avec l'activité du commerce, parce que reprendre un commerce, c'est aussi une durée de travail importante, puisqu'il faut être ouvert 6 jours sur 7, voire 7 sur 7, avec une amplitude horaire assez importante dans un petit commerce. Et donc, je travaillerai pas moins. Et donc, je n'ai pas de motif de dépense supplémentaire. Je me dis qu'avec 1500 euros, je suis capable de couvrir, en sachant que, bien évidemment, ce qui est aussi dans mon cas plus facile, j'ai déjà de l'argent de côté, et donc un petit matelas pour me réceptionner si jamais ça tournait pas bien. Et alors, pourquoi ce choix d'une épicerie ? Pourquoi un commerce de proximité dans un village ? Alors déjà, parce que comme je suis pas du métier, je me suis dit qu'une épicerie, c'était assez simple. Parce que j'aime bien manger, donc je souhaite être capable de trouver des choses qui soient bien. Et puis, ça ne demande pas de technicité particulière. Ensuite, l'épicerie, c'est, pour moi, dans un village, c'est un lieu de rencontre et un lieu de service. Donc ça peut être le début de plusieurs services, de livraison, de traiteurs, de services comme une bibliothèque, de services comme des points postes, de services... Donc, dans un petit village, je pense que un des derniers commerces avec le bar, bien évidemment, c'est souvent l'épicerie. Et puis, c'est moins important de faire de l'argent et c'est plus important d'être utile. Le curseur, il est peut-être mis à une position différente. Le travail est en moi et je peux pas l'arracher. J'ai craqué. J'ai cru que j'allais mourir dans l'usine. L'homme, il s'adapte à n'importe quoi quand il est condamné. Étonnant, hein ? Je dirais que c'est un ciment, le travail. C'est un ciment de l'être humain. Moi, je préfère quand il y a une palle. Voilà, quoi. Des fois, ben, je suis ailleurs. Ben ouais, c'est mes mains qui travaillent toutes seules, en fait. Non, non, vous ne créez pas ici. Vous améliorez peut-être, mais vous ne créez pas, non. Ça tapote, c'est bon, il y a le rythme. Et je me casse. Je m'enfuis de l'usine. J'ai pas l'impression de participer, en fait. Je vois pas mes traces. Le travail est au cœur, non seulement de la psyché de chacun, mais de la société, des rapports sociaux. Lise Gagnard, psychologue et psychanalyste. C'est central, le travail. Donc c'est central et on en souffre. On en souffre, on n'en souffre pas. Les indicateurs de santé les pires de France sont ceux des chômeurs, pour commencer. Après, les indicateurs de santé physique les plus graves, liés au stress, sont chez les employés. C'est-à-dire des gens qui vont avoir des tâches assez sédentaires, avec énormément de contraintes. De contraintes administratives, de contraintes de temps et de contraintes d'interruption. Les employés, c'est tous les gens qu'on a au téléphone tout le temps, au bout des mails tout le temps, qui sont rivés devant un écran, sur un fauteuil qui n'a même pas d'accoudoir et qui ont mal partout et qui ont mal aux yeux et qui ont mal à tout ce qu'on veut. Mmh. Et en plus des maladies cardiovasculaires très tôt. Mais la souffrance psychique, il n'y a pas d'épidémie de la souffrance psychique. Ça, c'est quelque chose qui vient souvent dans votre livre, Chronique du travail aliéné. Beaucoup disent je ne comprends pas, je ne comprends plus. Non. Je n'ai pas compris. Ils sont fous. Ils disent ils prennent des décisions, ils sont fous. Là-haut, ils sont fous. Mais ils sont jamais fous. Ils ont changé de logique, au mépris de l'économie. La financiarisation, c'est pas l'économie. La finance, c'est incompréhensible d'en bas. L'économie, c'était compréhensible. Un ouvrier ne pouvait pas se tromper, le patron voulait qu'il produise plus, et puis c'est tout. On comprenait ce qu'on voulait de nous. Et maintenant, on ne comprend plus. Alors, on ne comprend plus parce qu'on fait pas d'efforts non plus. Parce qu'on s'applique à ne pas comprendre. On s'applique à penser qu'on n'est pas en train de vendre des trucs qui servent à rien à des gens qui sont vulnérables. On s'applique à penser que les inégalités n'augmentent pas. On s'applique vraiment beaucoup. Et ça, c'est un packaging complet. Mais alors, le travail va à l'encontre de certaines valeurs du travailleur, dans ce que vous dites là. Je vends des produits à des gens qui n'en ont pas besoin, qui n'ont pas les moyens. Et en plus, je les trompe. Je leur vends une assurance vie alors qu'ils pensaient ouvrir un compte en banque. Oui, oui. Ça me plaît plus, je veux plus le faire. Là, la question du mensonge institué, je veux plus le faire, c'est quand vous avez perdu le poste. Hein. Parce qu'avant, quand vous aviez le poste et les primes qui allaient avec, personne ne dit « je veux pas le faire hein. ». Et donc, les gens qui font du zèle ou qui mentent sur prescription, en rajoutent. Et c'est pour ça qu'ils tombent de haut quand ils tombent. Donc, ça, ce que vous dites, c'est que finalement, les travailleurs qui atterrissent dans votre cabinet, ils ont leur part de responsabilité. En effet, ce sont ceux qui ont fait le plus de zèle. Ce sont les meilleurs qui tombent. En tout cas, moi, ceux que j'ai vus, c'était toujours des gens qui avaient tout donné au travail. Tout. C'est d'excellents travailleurs. Et mais ils arrivent dans votre cabinet dans un état... Parce que ça a changé. Ça a changé d'une manière qu'ils n'avaient pas prévue. Soit ils se sont fait jeter comme des malpropres, comme ça arrive extrêmement fréquemment pour l'instant. Soit, par exemple, le questionnaire d'évaluation a changé. Le mode d'évaluation a changé. Croire qu'on est du côté du manche pour toujours. Avant, c'était vrai. Quand vous étiez du côté du manche, vous restiez du côté du manche. Maintenant, ça tourne à une vitesse que vous avez fait tout ce qu'il faut pour être du côté du manche et tout d'un coup, vous vous retrouvez traité comme ceux que vous avez traités auparavant. Licencié ou écarté ou harcelé ou spécifiquement outragé, blessé, etc. pour vous faire partir, pour vous faire pleurer, pour vous faire tout un tas de trucs. Comme vous l'avez fait auparavant. Le manche change de main, voilà, tout le temps. Quand vous êtes bien vu, ben profitez-en, parce que ça n'a pas forcément duré longtemps. Ça, c'est nouveau. La gestion paternaliste conservait ses collaborateurs. La gestion néolibérale, il n'y a plus personne qui pilote. Vous pouvez avoir tranquillement, être au mieux avec tout le monde un vendredi soir, vous arrivez le lundi. Entre-temps, aux États-Unis, dans une réunion de multinationales, a décidé que c'était plus le type de management comme ci ou comme ça. Il y avait... Et tac, en fait, vous êtes sur la touche. Et vous le savez même pas. Hein vous le savez pas. Mais le lundi, ça commence à être rugueux. Et le vendredi d'après, vous comprenez pas du tout pourquoi vous avez 40 remarques, 15 mails qui reviennent. Alors, si vous ne devenez pas fou, ben, vous démissionnez. Et si vous ne comprenez rien, vous allez devenir fou. C'est Anne Flottès qui a fait ce livre excellent qui s'appelle « Le travail, quel boulot », qui raconte un plateau téléphonique d'assurance, qui était Premier France. Vous savez, les plateaux sont en concurrence entre eux, toujours. C'est eux qui font monter les chiffres en vendant des produits, mais surtout en remboursant les sinistres le moins possible et en ouvrant le dossier le moins longtemps possible. Alors, tant que ça a été ça, ils étaient Premier France. Ils arrivaient très bien, c'était une très bonne équipe, ils s'entendaient super bien avec leur chef, tous entre eux, tout ça, ils rigolaient bien. Pas de chance, hein, pour ceux qui tombaient sur ce plateau-là, pour les usagers, ils étaient remboursés le moins possible des sinistres. Et un jour, on a changé les critères. Tout d'un coup, il y a eu une évaluation, une petite case de plus, c'est la satisfaction clientèle. Et donc, à partir de ce moment-là, ils se sont retrouvés quasiment dernier France. Et là, ambiance, ils se sont tous entrebattus, quoi. Alors, ils n'ont pas eu leur prime qui n'était pas énorme. Il ne faut pas croire que les gens font ça pour un gain supplémentaire. Pourquoi ils font ça, alors ? C'est toute une ambiance. Il faut trouver une idéologie justificatrice. Le problème des humains, si vous voulez, c'est qu'il faut qu'ils justifient en permanence ce qu'ils viennent de dire ou ce qu'ils viennent de faire, plutôt que d'être en train de se dire « est-ce que j'ai bien fait ?» Et là, donc, en groupe, on monte une idéologie défensive. Et donc cette idéologie défensive qui était de toute façon, si ça se trouve, c'est des faux sinistres, ils nous arnaquent, etc. Sous ce prétexte-là, on va former une idéologie défensive qui va nous emmener à être tous d'accord pour faire ce qu'on a pu appeler le sale boulot. La personne... qui décrit son travail comme bon, bah, parfois intéressant, mais quand même pénible, mais quand même difficile avec les relations. Qui fait la part des choses. Mais quand même, oh, bah, là, quand même, j'ai fait ça, c'était bien. Ça, la personne va bien. Ben oui, c'est ça le travail. C'est ça la vraie, la vie ordinaire. Mais elle tiendra le coup si elle ne saute pas sur toutes les illusions néolibérales. Qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez pas? Non. Vous allez, je peux mouiller. Il pleut? Non, j'étais à la piscine. Vous avez congé? Non, je suis partie. Vous avez quitté votre travail? On vous a lourdé? Non, je suis partie, j'en avais marre. Je crois qu'il s'est qu'à eu l'idée de me mettre au saucisse ce matin, mais alors question rendement. Et vous avez l'argent? Non. Je venais seulement vous voir comme ça. On a fabriqué un portrait de la victime au travail. Il faut qu'il soit victime puisque ça correspond à la description des médecins du travail qui n'avaient pas accès et qui n'ont toujours pas accès aux confidences auxquelles moi j'ai accès, puisque moi je travaille en privé, je suis installée en ville, en libéral, et j'ai cette particularité, on n'est pas si nombreux à ne pas faire de certificat. Je le dis d'avance. Moi je ne certifie pas le fait que la personne est définitivement endommagée psychiquement à cause de son travail. Je ne ferai pas de certificat de souffrance au travail. Tout au contraire, on remet les pieds sur terre, on reprend l'analyse des rapports de force, on reprend l'analyse des rapports de pouvoir qu'on a subi ou qu'on a exercé. Mais c'est pas pour dire que ces gens-là, après, vont être bons ou vont bien travailler, comme on dit maintenant. Ils tiendront le coup. Ils vont sortir du statut de victime pour entrer dans un statut de travailleur contrarié et très souvent surexploité ou surexploiteur. Ils vont avoir la conscience de ça. Et après, ça n'est plus le travail des psys, vous comprenez? Les psys, ça sert à rien politiquement. Il ne faut pas compter sur les psys pour faire rendre gorge aux actionnaires pour qu'ils prennent 24% au lieu de 26% par rapport à l'année dernière. Ce ne sont pas les psys qui vont transformer la société, mais l'ensemble des travailleurs. Et des travailleurs domestiques, des travailleuses, pardon, domestiques et des travailleurs employés. Qu'est-ce que chacun peut transformer à sa manière, à sa place, à sa petite place? Au fond, souvent beaucoup. C'est la phrase que vous dites, enfin, que vous écrivez dans votre livre. En France, quand on est victime d'une injustice épouvantable au travail, on demande à aller chez le psy. Voilà. Et pour vous, ça, c'est nouveau. Voilà. C'est nouveau, c'est la mode. Ça fait des sous au psy, il ne faut pas se plaindre. C'est, de mon point de vue, l'attitude la plus contre-productive qui existe. C'est une patiente qui m'avait dit, avec des larmes dans les yeux, j'étais allée au tribunal pour prouver que le travail m'avait rendue dingue, j'ai juste réussi à prouver que j'étais dingue. Si vous vous êtes enferré dans les certificats qui disent que vous êtes définitivement dingue et que donc on vous doit une indemnisation, il est très difficile de sortir de cette position. La première cause des souffrances au travail se trouve là, dans les nouvelles organisations du travail qui permettent ces taux de rentabilité faramineux imposés par les investisseurs financiers. Faire passer des travailleurs de 350 pièces à 1200 à l'heure, c'est comme un... À quoi ça sert C'est bien, ça occupe. Le travail, il faut pas que ça soit une contrainte. On cherche du boulot. Vous savez pas où on pourrait trouver du boulot, s'il vous plaît? Je pense que je voulais rien faire, comme tout le monde. J'ai fait une demi-heure de yoga. On en fait moins grand. On s'occupe, comme ça, on se passe le temps. Ce qui veut dire que, tu te lèves le matin, et ben, tu penses à ton boulot, tu te couches le soir, ça dépend ce que t'as fait, si c'est un peu limite, et ben, tu y penses encore à ton boulot. Ben nous, d'après toi, on travaille? Pour toi, on travaille? Normalement, tu travailles. Mais bon. On peut pas faire du bon boulot si on n'a pas du matos professionnel. Ah non, je sais pas, je sais rien. Et pour t'occuper? Pour moi, un peu de jardin, puis jardin, je vais me balader. Il y avait une idée de... Si t'as de quoi vivre sans bosser, peut-être... Prendre quelques jours de repos, oui, mais bon... C'est pas obligé, hein. Bon, j'en connais qui s'arrêtent jamais. Julien Brigaud, Olivier Siran, vous avez mené une enquête que vous avez appelée « boulot de merde ». C'est quoi un boulot de merde ? Un boulot de merde, on est parti d'une expression qui a été utilisée par David Graeber, anthropologue américain, et qui a théorisé un petit peu cette idée de « bullshit jobs », qui consisterait selon lui à faire des métiers vides de sens, où la principale caractéristique de ces boulots, c'est d'être profondément ennuyeux et surtout inutile socialement. Alors lui, il vise plutôt les catégories socio-professionnelles supérieures, c'est-à-dire les emplois dans les banques d'affaires, dans les télémarketing, dans les grands cabinets de publicité, tous ces emplois de la technostructure capitaliste qui sont en fait des boulots où les gens intériorisent leur propre inutilité. Et donc voilà, ça nous a semblé intéressant, mais insuffisant, parce qu'il creusait pas non plus ce sillon de l'utilité sociale qui, à notre avis, est le nœud un petit peu de cette dénomination là des bullshit jobs. Et on s'est orienté vers une autre étude réalisée en 2009 par trois chercheuses britanniques sur la thématique de l'utilité sociale, c'est-à-dire peut-on quantifier l'utilité sociale d'un métier. Et elles sont arrivées à quel résultat ? Eh bien, elles sont arrivées par exemple au résultat qu'une agente de nettoyage en milieu hospitalier produit 10 euros de valeur sociale pour chaque euro absorbé par son misérable salaire. Et donc il s'agit de l'intégration de tout ce qui n'est jamais pris en compte dans les métiers, c'est-à-dire là par exemple l'agente de nettoyage en milieu hospitalier agit concrètement à la réduction des risques d'infection nosocomiale. Et on peut imaginer le coût aberrant d'une infection en termes de santé publique, d'une infection liée au fait que ce travail ne soit pas fait. Et si on va un petit peu plus haut dans l'échelle sociale, l'autre emploi qu'elles ont étudié, c'est par exemple le publicitaire. Le publicitaire, lui, il détruit environ 10 fois plus qu'il ne crée en termes de valeur sociale, c'est-à-dire qu'il crée des emplois, certes, dans la grande distribution. Alors c'est des emplois au rabais, hein. Il y a une étude récente qui a montré qu'il y a plus de 2,5 millions d'emplois en France dans la grande distribution qui sont payés entre 30 et 80% du SMIC. Et donc le cadre du secteur publicitaire, on pourrait dire qu'il crée des emplois, en effet, il crée de la valeur, mais il en détruit énormément aussi. Il détruit en termes de pollution, en termes d'obésité, en termes de paysage aussi, avec l'invasion publicitaire permanente. Et tout ça, ce n'est jamais pris en compte, évidemment, dans l'utilité sociale des métiers. Oui, il y a une sorte de corrélation inversée, on pourrait dire. Elle ne fonctionne pas à tous les coups, bien sûr, ce serait trop simple, il suffirait de tout remettre à l'endroit. Mais grosso modo, effectivement, il y a quand même une flopée de boulots qui sont socialement utiles, qui sont considérés comme des boulots de merde de façon spontanée, comme justement dans le nettoyage, le service à la personne, tous ces boulots extrêmement pénibles, mal payés. Ça grignote aussi des métiers qui, eux, sont a priori plus valorisés, comme celui d'enseignant, comme celui de postier, ou comme celui d'infirmière ou d'infirmier. Mais tous ces métiers-là ont en commun d'être à la fois utiles, de rendre des services à la collectivité et d'être en même temps mal rémunéré et précarisé et effectué dans des conditions très dégradées. De l'autre côté, des métiers prestigieux, souvent, ou en tout cas socialement valorisés, les métiers de la banque, la bourse, les cabinets de conseil en optimisation fiscale, tous ces métiers qui en fait détruisent de la valeur sont gratifiés par des rémunérations tout à fait confortables. Et c'est des gens qui sont tout à fait convaincus de leur utilité. Pour eux, en fait, ils ne se posent pas la question de l'utilité sociale puisqu'ils s'estiment utiles à leurs clients. Et en même temps, quand vous leur posez la question à eux de citer 3 boulots utiles, ils citent jamais le leur. Ils citent jamais le leur. Absolument. À l'inverse, quand on leur demande quels sont les 3 métiers les plus inutiles, ils ne citent pas non plus spontanément le leur. Tant qu'il y a demande solvable, les métiers sont légitimes. C'est un petit peu l'idéologie de base du plein emploi. Hein. C'est trouver des métiers à tout prix, quitte à ce que ça soit des emplois qui profondément vous dégradent. Et là, nous, on fait une enquête sur les détecteurs de clandestins dans le nord de la France, des gens qui sont payés et qui trouvent de ce métier grâce au Pôle emploi quand même. Faire le métier de détecteur de clandestins pendant plusieurs années, eh bien ça a des répercussions morales, psychologiques très très fortes, hein. C'est le sale boulot, quoi. Le sale boulot qui effectivement est d'ailleurs toujours dévolu aux mêmes catégories sociales, hein. Le sale boulot qui ne peut être fait aussi que grâce à l'importante réserve de chômeurs, hein, que c'est quand même c'est la contrepartie d'un chantage. Hein, si le contrôle social est tel pour les allocataires de minima sociaux qu'au bout d'un moment, eh bien, on leur dit qu'ils n'ont pas le choix d'accepter ces métiers. Julien Brigaud. Dans les hôpitaux publics français, là on parle de la grippe, mais quelle blague, quoi. C'est pas la grippe qui menace les hôpitaux, ce sont les plans d'économie complètement corrélés au remboursement des banques, hein. Au CHU de Toulouse, c'est 18 millions d'euros par an qui vont en intérêts de la dette, juste les intérêts, pour des banques comme la BNP Paribas et la Société Générale. Auparavant, les hôpitaux, qui ont été construits grâce à la cotisation d'ailleurs, pouvaient emprunter à taux zéro à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France. Et bien maintenant, c'est terminé. C'est sur les marchés financiers. Donc évidemment, derrière, il y a des répercussions directes sur les conditions de travail des gens, des personnels hospitaliers en l'occurrence. Et là, du coup, vous allez à Toulouse, au CHU, enquêter. On vous ouvre finalement assez facilement les portes et vous vous rendez compte que ce qui est à l'œuvre dans cet hôpital, c'est les méthodes de management de Toyota, c'est-à-dire le lean management. On nous a laissé rentrer à condition de ne pas prononcer le mot lean management. Le mot lean management est interdit, comme à la Poste d'ailleurs, il est utilisé, mais ça s'appelle Elan. Ils ont inversé un acronyme, voilà, ils ont inversé les lettres. Et puis, mais il s'agit de la même chose. Il s'agit d'effectuer de profondes restrictions budgétaires, de densifier le travail, de virer le maximum de gens. Et à partir du moment où on a fait ce travail des managers de transition, hein, un petit peu qui déboule dans les entreprises et qui vire la moitié des gens, eh bien on peut mettre en place le lean management qui consiste à travailler avec des bouts de ficelle, en fait, hein, et prétendre que les employés ont leur mot à dire. On installe une boîte à idées dans laquelle les salariés sont invités à déposer des propositions pour optimiser le geste. Voilà, exactement, et faire la chasse au temps mort. Le salarié participe à sa propre surexploitation. C'est évidemment une technique de management, le lean, mais c'est aussi une idéologie, c'est une vision du monde. Et c'est là où ça devient intéressant aussi de notre point de vue, c'est que comment une idéologie qui consiste à considérer le salarié comme devant participer à son propre essorage s'est diffusée depuis les usines Toyota au Japon vers le monde entier et se retrouve appliquée sur le personnel hospitalier du CHU de Toulouse ou bien dans les CAF ou bien chez Pôle emploi ou bien à la Poste, c'est-à-dire dans les services publics. Il y a aussi l'intégration d'un sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que l'infirmière, sur son temps de repos, si on l'appelle parce qu'il y a une absence ou parce que voilà il y a un rush, tac, il faut absolument être là. Si elle dit non, elle sait aussi que ça va se répercuter sur ses collègues, parce que la seule chose qui permet encore de tenir, c'est un minimum de solidarité entre collègues. C'est un autre sujet d'ailleurs qui est très important aussi, la casse des solidarités, l'isolement croissant des gens. Là, en l'occurrence, il y a forcément une dimension collective du travail chez les infirmières et du coup. Une forte culpabilité si pour celle qui n'en peut plus, craque et reste à la maison. Voilà, elle sait que ça va être du boulot en plus pour l'autre parce qu'elle ne sera pas remplacée. C'est vraiment la preuve que cette espèce de merdification des emplois, elle est partout. Et donc, en plus d'être en sous-effectif, le sens des tâches, des travaux utiles est complètement altéré. D'autant plus, effectivement, dans les anciens bastions publics. On a bien vu les suicides incroyables à France Télécom qui a été transformée au forceps en une entreprise, en une machine à cash. Cette année, les dividendes, c'est 45 milliards d'euros, je crois. C'est encore une année record. Et donc c'est là qu'il va l'argent, c'est là qu'il va. Et donc je crois que c'est les 20 dernières années, la part du PIB réservée au salaire a diminué de 10 points, tandis que la part réservée aux actionnaires a augmenté de 10 points. Donc effectivement c'est comme un sablier, quoi. Je veux dire, l'argent il part pour aller dans d'autres poches, mais concrètement sur le terrain ça se matérialise par une merdification des conditions de travail qui fait que les gens il y a plus guère de sens, quoi. Il y a plus guère de sens. On est tous formés, on est tous conditionnés à donner du sens à ce qu'on fait et à y trouver une forme de fierté, même quand le travail se dégrade, même quand le regard porté sur ce travail se déprécie, même quand la rémunération et les conditions de travail deviennent de plus en plus indéfendables. Malgré tout, on essaye de donner, d'insuffler du sens à ce qu'on fait. Et donc débarquer avec la notion de boulot de merde, c'est pas quelque chose d'évident. On s'est permis d'utiliser ce terme parce qu'on considère que nous-mêmes, en tant que journalistes, on est confrontés à la merdification, parce que dans notre métier aussi, il y a une précarité de plus en plus grande. Se multiplient aussi des statuts au rabais, c'est-à-dire plus seulement pigiste. Pigiste, maintenant, c'est déjà presque un privilège. Il faut de plus en plus souvent maintenant être aussi auto-entrepreneur. Et donc, d'une certaine façon, vu que nous-mêmes, on est précaires et qu'on gagne mal notre vie en étant journaliste, on s'est permis de dire, bon voilà, nous-mêmes, on fait des boulots de merde. J'ai craqué. J'ai craqué grave, mon chef, il avait peur. Ah ouais, j'ai fait une crise de nerfs. Hein. J'ai dit, écoute, j'allais mourir dans l'usine. Je suis arrivée le soir, j'étais du soir, j'arrêtais pas de pleurer. C'est parti comme ça, j'ai crisé, j'ai crié sur les gens, et j'arrivais plus à parler correctement. Je bafouillais. Et du coup, le soir, même le soir dans le métro, je chialais. J'arrivais pas à arrêter. Pendant une semaine, j'ai fait que ça. Ça, c'est à force avec le boulot, mais aussi c'est beaucoup de pression. Il y a quelques années, je venais de travailler, j'étais contente. J'étais contente de voir les gens et tout. Mais maintenant, c'est tout le contraire. Je ne sais pas si vous avez vu ce film « C'est quoi ce travail ?» de Sébastien Jousse, et j'oublie son nom. Bon, enfin, c'est des gens qui filment le travail. Bernard Friot. Ils ont fait un film sur les opérateurs de PSA à, je sais où, à Blanc-Ménil, je ne sais plus où. Enfin, il y a une usine qui a récupéré les licenciés d'Aulnay en partie. C'est impossible. Ils ont été pendant 2 ans dans l'usine, en même temps qu'il y avait un musicien qui faisait une résidence. La direction de l'usine a accepté qu'un musicien compose un opéra avec les salariés de l'usine et des musiciens professionnels, en récupérant les bruits de l'usine et puis en faisant s'exprimer dans un cadre évidemment de dramaturgie les travailleurs de l'usine avec des musiciens. Ce qui est absolument époustouflant dans ce film, c'est qu'entre le travail de musicien et le travail d'opérateur, il n'y a aucune différence. Hein. Et les entretiens faits avec ces personnels, qui sont des personnels à la chaîne et tout ça, hein, les entretiens sont d'une intelligence minouille. Cette boîte-là, si c'était les salariés qui la dirigeaient, mais ça pèterait des flammes. C'est incroyable comment on peut les sous-utiliser. Le monde du travail se transforme sous l'effet de la révolution numérique. Certaines études prévoient que des emplois seraient massivement détruits par la robotisation, l'automatisation, et ce phénomène toucherait tous les secteurs, tous les métiers. Parallèlement, de nouveaux métiers apparaissent. Mais la révolution numérique nous réserve aussi son lot de bullshit jobs, de micro-travail, micro-tâches, micro-payés. Et surtout, comme l'explique le sociologue spécialiste des réseaux sociaux Antonio Casilli, des activités numériques que tout un chacun effectue dans sa vie quotidienne se révèlent être en réalité du travail, parce que productrice de valeur. C'est ce qu'il appelle le travail implicite. On imagine que la transformation numérique de l'économie est une espèce d'énorme vague de automatisation, robotisation, algorithmisation. En fait, derrière chaque algorithme, derrière chaque bot, donc chaque robot, derrière chaque intelligence artificielle ou procédé d'apprentissage automatique, il y a toujours des êtres humains. Des êtres humains qui réalisent des tâches qui sont parfois nécessaires pour entraîner ces entités logicielles. Donc en gros, un algorithme ne surgit pas déjà prêt à travailler. Il doit apprendre, il doit être calibré, il doit être entraîné. Qui entraîne les algorithmes ? Des êtres humains. Qui sont-ils ? Parfois, il s'agit de bénévoles. Parfois, il s'agit d'amateurs qui produisent des données. À chaque fois, par exemple, que nous utilisons un petit dispositif qui s'appelle ReCAPTCHA. ReCAPTCHA est un dispositif que chacun d'entre nous, je pense, a rencontré dans sa vie. C'est donc une petite interface qui s'affiche quand vous voulez que ça j'ai récupéré votre mot de passe ou laisser un commentaire sur un site. On doit recopier des lettres ou des chiffres, des choses comme ça. Exactement. Donc, d'accord. On vous propose souvent des mots méconnaissable ou difficile à lire, et on vous donne une consigne de retranscrire ces mots en disant en plus, démontrez-nous que vous n'êtes pas un robot. Ouais. Et bien ça sert à quoi ça? Et bien ça sert justement à départager les humains des robots, mais ça sert aussi à faire, à réaliser de la retranscription de livres dans Google Books. Et c'est pour ça qu'on arrive à montrer qu'on est des êtres humains, parce que des robots, donc des logiciels de reconnaissance textuelle, se sont déjà consacrés à cette tâche et ils ont échoué. Et donc on nous confie, l'entreprise Google externalise à des communautés humaines, donc nous tous et nous toutes, ce travail de retranscription de ces livres. Mais alors j'ai du mal à comprendre ça. Comment moi, quand je vais recopier ces petites lettres qui bougent, ça va activer la numérisation d'une page d'un livre? Oui, c'est ça. C'est en gros, ce que vous saisissez dans la petite case du reCAPTCHA est enregistré dans une base de données, et cette base de données est utilisée pour l'associer à, par exemple, ce petit bout de page qui était difficile à lire pour le logiciel. Donc on travaille quand on fait ça? On entraîne le logiciel? C'est une vaste question, et à mon avis, ce n'est pas seulement de la provocation quand on dit qu'on travaille. On travaille parce que d'abord, on réalise un geste productif qui produit de la valeur pour une entité industrielle. Pour Google, là. Pour Google, exemple, en l'occurrence, mais je pourrais citer, que sais-je, Facebook ou d'autres plateformes de ce type-là. Donc la plateforme, chaque fois que vous postez une image, un selfie de vous ou une image de vos vacances, ne voit pas vos vacances. Il voit tout simplement les données qui se cachent derrière chaque photo. Donc, par exemple, avec quel appareil vous avez pris cette photo, à quel moment, à quel endroit. Et parfois aussi, il cherche à solliciter de vous, Instagram en particulier, des tags, donc en gros des labels pour qualifier cette image. Qui est dans cette image? Quelle est votre émotion? Quel est votre sentiment au moment de la production de cette image? Vous voyez que tout cela est utilisé pour, par exemple, opérer un ciblage publicitaire ou transformer certains des images que vous produisez en produits qui sont vendus. Et donc, par exemple, imaginez que vous prenez une photo, que sais-je, une voiture... ou un ordinateur ou un t-shirt, et par la suite que vous avez à côté de cela la possibilité de cliquer sur un bouton j'achète et d'acheter la même chose que vous voyez dans la photo instantanément et avec un petit passage évidemment par une banque. Le micro-travail, c'est plutôt donc la production de tâches, souvent des tâches immatérielles, qui sont nécessaires pour produire des bases de données qui entraînent des algorithmes, des intelligences artificielles, des bots. Le cas le plus connu certainement aujourd'hui en France, même si ce n'est pas un cas français, c'est Amazon Mechanical Turk. Amazon Mechanical Turk est une plateforme dans laquelle des recruteurs cherchent des producteurs de petites tâches. Des petites tâches du type « regarde cette vidéo et laisse un commentaire »,« clique sur cette image » ou alors, par exemple, « organise une playlist de morceaux de musique ». Le Turk mécanique fait référence à un célèbre canular du XVIIIe siècle. Il s'agissait d'un automate ayant l'apparence d'un turc, capable de jouer aux échecs. Sauf qu'à l'intérieur se trouvait une personne qui manipulait en réalité le mannequin. C'était une supercherie. Si Amazon y fait référence aujourd'hui dans sa plateforme de micro-tâches, c'est que de nombreuses tâches que nous pensons réalisées par des logiciels ultra-perfectionnés sont en réalité effectuées par des êtres humains. Donc c'est des tâches extrêmement simples qui sont payées très peu. Ils sont payées 1 centime, 2 centimes. Et ces tâches servent justement pour entraîner des intelligences artificielles. Alors ça, ce sont des tâches qui effectivement sont faites par des gens qui sont loin de nous, Amazon Mechanical Turk a principalement deux nationalités. Hein, donc les Turqueurs, on les appelle comme ça, sont situés dans deux pays. Les États-Unis et l'Inde. Par contre, on a aussi des exemples français, comme Full Factory, qui a exclusivement des producteurs de tâches, eux aussi payés quelques centimes, français. Mais la France connaît aussi, et cela devient encore plus intéressant, des plateformes plus récentes qui travaillent avec des pays d'Afrique, des pays francophones, donc une plateforme qui s'appelle Isahit, met à contribution surtout des femmes dans des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, et ces femmes passent quelques heures par jour à réaliser des petites tâches numériques pour la plateforme qui a des recruteurs qui sont plutôt des entreprises CAC 40 françaises. Et pour faire quoi alors, par exemple ? Par exemple, des activités de filtrage de contenu, ou organisation de contenu, de retranscription, ou de vérification. Quand je dis filtrage, parfois, il s'agit même des plateformes qui réalisent ce qu'on appelle justement la censure de contenu non approprié à certains publics. Par exemple, la personne qui censure l'origine du monde, le tableau de Courbet, elle est peut-être au Mali ou en Indonésie. Plutôt en Inde, dans le cas de Facebook, parce que chaque plateforme a, disons, à externaliser à des services différents. Il faut vraiment comprendre que ces services deviennent de plus en plus importants en termes vraiment d'effectifs, recrutés par ce qu'on appelle des click farms, donc des fermes à clics, des personnes qui, à longueur de journée, cliquent sur des contenus qu'on leur dit d'y cliquer. C'est pourquoi ces tâches-là deviennent pour des jeunes et des moins jeunes, ou alors jeunes mères ou personnes handicapées, deviennent effectivement des occasions pour intégrer un monde du travail. Mais intégrer de quel côté ? Certainement pas de l'entrée principale. Là, on reste un précaire numérique au bout d'une chaîne globale d'exploitation, finalement, et de production de valeur qui est complètement opaque et dans laquelle vous n'avez aucune modalité de recours et aucun levier de négociation. Et après, on a des personnes qui ne sont pas payées pour réaliser exactement les mêmes tâches. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle les plateformes sociales, les médias sociaux, les réseaux sociaux numériques, à la Facebook, à la YouTube, à la LinkedIn aussi, à l'Instagram, Twitter et compagnie. Et là, on est face exactement au même geste productif. Je regarde des photos, je like des vidéos, je clique ou je qualifie des contenus. Et je ne suis pas payé. Bref, la source de valeur, c'est les utilisateurs même. C'est ces digital laborers, donc ces travailleurs implicites qui, en cliquant, produisent des données, des contenus, modèrent, parfois filtrent, parfois réalisent des tâches pour la plateforme. Et finalement, c'est eux les véritables producteurs de valeur. Et on parle du fait que si c'est ça, l'origine de la valeur pour les plateformes, et c'est là qu'il faut aller rechercher une modalité de rendre à la collectivité ce que la collectivité a produit. Ça pourrait être, par exemple, un revenu lié au fait qu'on est un utilisateur du numérique. Oui, mais si on s'entend bien sur la nature de ce revenu. Parce que, à mon sens, le risque principal est d'envisager cela exclusivement en termes de rémunération pour le clic, le like, la donnée produite. Très vite, on se heurterait à un scénario horrible prolétaires du clic, donc de personnes qui font ça comme métier. Et donc, ça, c'est pas l'idée que vous proposez. Non. Vous vous dites, on va capter un petit peu de cette richesse produite par la fiscalité. Et on va la redistribuer d'une manière universelle. Par un revenu universel, donc un revenu qu'on a appelé de mille manières, un revenu de citoyenneté, un revenu inconditionnel, un revenu universel, et qui finalement est un revenu qui a le même montant pour tout le monde, versé à tout le monde, indépendamment d'abord de sa richesse ou de sa situation économique, et aussi indépendamment de son activité numérique. Donc le champ de lutte, aujourd'hui, il est plutôt là. Le champ de lutte est partout aujourd'hui, dans la mesure où le numérique est partout. Le champ de lutte, nous l'avons dans la poche. Et chacun des gestes que nous réalisons, à chaque fois que nous touchons un clavier ou une souris ou un écran, finalement, est un geste qui interroge notre être au monde, être au monde numérique, finalement, et être face à des enjeux qui, évidemment, nous dépassent, mais qui sont toujours les mêmes. C'est des enjeux de comment j'intègre une communauté productive, comment je coopère avec les autres, comment j'évite de rentrer dans des logiques exploitatives ou dans des logiques de mise en place d'inégalités par le geste même que je réalise chaque jour. Finalement, comment j'évite d'être complice d'un système qui n'est pas équitable et comment je fais tout pour créer plutôt un système équitable. Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'ennuyait. Je revenais du travail et seul me retrouvais. Le salariat n'est pas mort, il bouge encore. Aujourd'hui, du sens au travail, avec Gilles Ranoux, Lise Guignard, Julien Brigaud, Olivier Siran, Bernard Friot, Antonio Casilli. Prise de son Patrice Klein, mixage Valérie Lavalard, coordination Perrine Kervran, assistée de Marie-Vaune Abolivier, une série documentaire de Rémi Douat et Martine Abbat, réalisée par Assia Rally. On m'enlevait mon travail, plus seul je me sentais. Je recherchais le travail, là, plus tout seul j'étais. LSD, c'est tout pour aujourd'hui, mais si vous voulez trouver du sens, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour la chaîne ou nous réécouter en télétravaillant, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, à la page France Culture Documentaire, et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, dernière étape, il réinvente le salariat.